Et peut-être que si, je sais pas moi, Régis Labeaume vient s'asseoir pendant la campagne électorale, si on a un 5-6 à faire, 5-6 priorités sur une liste d'épicerie, puis qu'on peut jaser de ça avec lui, puis je pense que Régis Labeaume est sa bonne traque, vous allez dire, tu sais, ceux qui aiment pas Labeaume vont dire c'est de même depuis le début de la campagne électorale, moi, quelles que soient les circonstances, je m'en sac. Pensez-vous que Jean Charest paye pour le Colisée pour nous faire plaisir? No fucking way! C'était juste de l'opportunisme politique. Puis c'était essayer de se faire une belle jambe avant de partir alors qu'il y avait un paquet de scandales qui y couraient après. Mais quels que soient les motifs, à partir du moment où on a ce qu'on veut à Québec, j'ai aucun problème avec ça, moi. Donc que Régis Labeaume rajuste son discours parce qu'il veut se faire élire puis qu'il veut faire élire tout le monde de son équipe et peut-être sortir Jean Guilbeault. J'ai aucun problème avec ça, aucun. Par contre, faut que ce soit un discours qui se poursuive le lendemain de l'élection, le lendemain que Labeaume est maire. C'est juste ça. Il faut se demander ce qu'on veut à Québec pour les prochaines années. Je suis peut-être dans le champ, là. Ça en prend peut-être plein de transports en commun, là, partout, partout, tout le temps, tout le temps. Peut-être qu'on va tout arrêter de prendre l'automobile, comme Yvon Bussière le voudrait, qu'on va parquer ça aux galeries de la capitale, puis que les autobus vont venir nous chercher là. Non, tu peux me laisser douter. Je pense pas. Je pense pas que jamais on va changer nos habitudes de vie à ce niveau-là. On est trop bien dans nos chars. Et avec l'étendue de territoire qu'on a, qu'on essaye de faire comme l'Italie ou la France au niveau du transport en commun, faut-tu rien comprendre? 10 fois plus de population, 10 fois moins de territoire. Le calcul, il est assez simple. Là. Pourquoi ça marche là-bas puis que ça marcherait pas ici? Là? On a-tu notre bord, Labeaume, là-dessus? Parce qu'on a un Régis Labeaume, maire de Québec, de plus en plus fort au niveau provincial. Tout le monde l'aime au Québec. Là. Est-ce qu'on a notre bord là-dessus? On dirait que oui. On dirait que oui, sur le transport. Pour l'instant, oui. Oui. Il a été très clair dans les dernières semaines, là, puis il prenait le parti de l'automobiliste. J'étais plus sûr à un moment donné, là. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'on peut s'en servir du Labeaume fort en province pour faire changer les choses de notre bord ici. Parce que l'argent est toujours garoché à Montréal, là, on vous compte pas d'histoire, là, c'est ça qui arrive, là. Sinon, on veut un système de transport, un système routier, qui répond à nos besoins. On va avoir besoin d'un Labeaume en conséquence qui passe le message à la province. Là, il a de l'air d'avoir compris. Il l'avait peut-être oublié, il y avait peut-être la bulle tramway qui prenait trop de place, mais moi, de le voir revenir à un discours pro-automobile depuis quelques semaines, moi, ça me fait du bien. S'il me prouve qu'il est de mon bord là-dessus, je vais voter pour lui. Faut pas que je change d'idée le 4 novembre, par exemple. Ouais. Parce que là, hier, c'est ça qu'il disait. Qu'Henri IV, faut que ce soit agrandi, faut que ce soit la priorité, puis faut que ce soit pour les automobiles, puis il y aura pas de voie réservée. Mais ça, je veux réentendre ça dans 2 mois, moi. Exactement la même chose dans le même ordre. Mm-hmm. Et s'il y en a un qui peut réussir à faire comprendre au ministre Godreau que ça marche pas, ben c'est peut-être lui. Moi, j'ai essayé, là. J'ai essayé tantôt, là, avec des mots simples, d'expliquer la réalité. T'as très bien fait ça. Mais là, c'est pas Régis Labeaume qui a un impact vraiment provincial. On le sent de plus en plus, là. Pis les niaiseries qu'il va faire à TVA comme le banquier pis tout, là. Croyez-le, ça a de l'impact, là. Ben oui. Ce gars-là est un personnage provincial maintenant, mais il faut s'en servir pour faire bâtir nos routes à notre façon, là, avec notre système routier qu'on veut. On est chanceux. À 2 heures de char, on a l'exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire quand tu deviens une grande ville. On est